Rapport du docteur Belwer fait au gouverneur de la résidence de Wisborg. Messieurs et chers collègues, lorsqu'à la date du 10 juin dernier, je vous ai fait part de mes appréhensions au sujet des événements qui se préparaient dans notre ville, vous avez souri. 20 jours se sont passés. L'épidémie de peste sévit avec une intensité prodigieuse. Le mal foudroyant a déjà fait à Wisborg et dans ses environs plus de 3000 victimes, et vous n'avez pris aucune décision utile que celle que vous imposait votre système empirique et défaillant. J'ai le regret de constater qu'aucune idée philosophique, qu'aucune recherche sérieuse n'a présidé à vos efforts, et qu'il n'y a aucune raison pour que ce mal qui sème autour de lui la mort puisse cesser demain. Je vous ai laissé entendre de mon mieux quelles pouvaient être les causes du mal que je prévoyais. Je vous avais dit, je me permets de vous le rappeler, qu'il y avait un rapport beaucoup plus certain que vous ne l'imaginiez entre l'arrivée du bateau Otto Friedrichs et la peste. Je vous ai dit également quel est cet individu qui est venu s'installer aux confins de notre ville et de la campagne, dans une habitation depuis longtemps en ruine. Avez-vous cherché à comprendre pourquoi cet homme était venu s'installer chez nous? A-t-on pris des renseignements sur lui? Toutes ces interrogations sont restées sans réponse. Tous mes avertissements sont restés lettres muettes. Et à l'heure où je vous parle, des centaines de gens sont en train de mourir. Eh bien, messieurs, ce que vous n'avez pas voulu faire, je l'ai fait moi. J'ai enquêté. J'ai été voir Knock dans sa prison. J'ai été dans la maison en ruine. J'ai été dans les montagnes de Transylvanie. J'ai été jusqu'au pays des fantômes. J'ai interrogé les paysans, et voilà ce que j'ai appris. À la date du 6 mai, on a embarqué à bord du bateau l'Otto Friedrichs dans le port de Belnitsa, 6 boîtes oblongues pleines de terre. Dans une de ces boîtes s'est introduit le comte Orlok, châtelain du pays des fantômes, qui porte chez les démons le nom de Nosferatu le vampire et dont il est dit dans les livres « De la race de Bélial est sorti le vampire Nosferatu. Il se nourrit du sang des hommes et vit dans des cercueils remplis de la terre maudite des champs de la mort noire, d'où les vampires tirent, dit-on, et dans la dernière nuit, c'est lui qui a pris la barre et qui, poussé par le vent de la mort, a pu mener l'Otto Friedrichs jusqu'au pied de Wisborg. C'est Nosferatu le vampire qui a insufflé son âme démoniaque dans l'âme de Knock. Ce dernier, depuis plus de 2 mois, a donné les signes évidents de sa correspondance avec le comte Orlok, et si vous le voyez à l'heure actuelle à l'intérieur de sa cellule, vous le verriez renaître, car l'exemple de son maître, cet homme se nourrit du sang de nos morts. C'est Nosferatu le vampire qui a jeté un sort sur la femme de mon ami Jean Uther, un de nos plus honorables concitoyens, qui à l'heure actuelle, sans se douter de l'épidémie qui ravage notre ville, vit des heures effroyables sous la domination du monstre sanguinaire. Qui donc, messieurs, d'entre vous, pourra nous débarrasser de Nosferatu? Il n'y a qu'un seul moyen et je vais vous l'indiquer. Le jour où le vampire trouvera devant lui une femme sans reproche, qui se sacrifiera en lui donnant volontairement son sang et en retenant le vampire jusqu'au premier chant du coq, le monstre mourra. C'est affreux à dire, mais il n'y a pas d'autre moyen d'en finir avec cet envoyé du démon. Messieurs, je n'ajouterai rien à cette déclaration. Elle est catégorique. J'attends vos démentis, j'attends les cris de protestation de votre prétendue science, j'attends les railleries de votre scepticisme. Mais pour moi, la vérité est celle que je vous ai dite, et je n'attends la délivrance de Wisborg que de cette femme inconnue, qui voudra bien payer de son sang et de sa vie la libération de tous ceux qui sont les esclaves de la mort. Il est vraisemblable que cette harangue un peu empoulée ne produisit pas sur les notabilités scientifiques de Wisborg l'effet que le docteur Belwer en avait attendu, car on voit dans les registres du gouverneur que les médecins continuèrent de lutter par les moyens dont ils disposaient contre le mal et qu'ils demandèrent même le secours de leurs collègues étrangers, qui, avec un courage d'ailleurs digne d'admiration, se hâtèrent tous vers la région pestiférée et se prodiguèrent en donnant des soins à tous les habitants des campagnes et des villes. Malheureusement, le résultat de tant de bonne volonté fut nul. Le nombre des morts ne cessa d'augmenter jusqu'au 10 juillet. Les cimetières, depuis longtemps remplis, s'étendirent tout autour de Wisborg comme si la ville avait été le lieu d'une horrible bataille. Et de tous les côtés, on organisa des processions et des pèlerinages pour implorer la clémence céleste, d'après des témoins dignes de foi. On était assailli par un bruit de sanglots car de toutes les maisons s'échappait l'expression de la douleur et du deuil. Il n'était pas un foyer qui n'eût été épargné, pas un, sauf celui de Jean Uther. Et c'est là que nous trouvons l'admirable fin de cette funèbre histoire dans ce foyer déjà si souvent visité, et par l'amour, et par les larmes, où la malheureuse Hélène, une fois de plus, trouva non seulement la générosité du cœur le plus tendre qui fût au monde, mais encore le courage d'une véritable héroïne. Ce récit de ces derniers jours, nous l'avons trouvé dans un rapport du docteur Belwer et aussi dans les notes officielles des archives de la bibliothèque municipale de Wisborg, où l'on a gardé un pieux souvenir de la pauvre femme.